heureusement qu'il y a Come Together. Ah oui, heureusement, vraiment. Come Together, c'est bon. Come Together is the world's best magazine and organization for... J'adore ce disque, c'est vraiment super. C'est très bien. Ah ouais, c'est dans les trucs qui viennent. T'achètes tout, hein. C'est bien comme tout à l'heure. C'est exceptionnel.